Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Choderlos de Laclos et ses liaisons dangereuses. Il y a tant de perfidie dans chaque lettre qu'on doute que l'auteur n'y trouve aucun plaisir. Beaucoup de gens, après la lecture des liaisons dangereuses, ont cru que pour être intelligent, l'être humain avait besoin d'être cruel. Cette perfidie et cette cruauté dont parle l'auteur Dany Laferrière à l'émission « C'est bien meilleur le matin » en 2010 sont au cœur des intrigues que décrit Choderlos de Laclos dans ses fameuses « Liaisons dangereuses ». Cette œuvre va faire scandale, mais elle va aussi devenir très rapidement un grand classique de la littérature française. Cette œuvre-là, donc, tente de cerner l'âme humaine jusque dans ses zones les plus sombres et les plus obscures. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous vous rappelez ma jeune cousine, celle de l'opéra? Oui. Vous vous rappelez qu'elle doit se marier? Oui. Devinez qui l'épouse? Je ne suis pas devin. Monsieur de Gercourt. Premier parti pris du metteur en scène et de, enfin des adaptateurs et du metteur en scène, ces personnages sont très très jeunes, sont jeunes tous. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'âge réel du roman de Laclos, enfin de la correspondance ouais. de Laclos. Hein. Alors, ce qui peut donner l'impression, mais c'est peut-être là où entre en jeu la perversité de Jean-Claude Carrière et de Miloš Forman, qu'en fonction de cette jeunesse, on pardonne plus et les personnages paraissent moins méchants qu'ils ne le sont en réalité, ce qui n'est évidemment qu'une apparence. Non, écoutez, si les mêmes choses, et ils font des choses terribles l'un à l'autre, si les mêmes choses sont faites par les gens de 35, 40, 45 ans, c'est beaucoup moins intéressant de mon avis, parce que les gens dans cet âge sont responsables pour ce qu'on fait. Ils sont méchants. Mais quand il est jeune, quand il est juste sorti de l'adolescence, ou pas encore réussi d'être adolescent comme Cécile, alors c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus pervers aussi. Ah ben, si vous voulez pervers, bon... Ah ben oui, on va employer le mot. Je veux que vous preniez sa virginité. Je veux que Gercourt découvre en se mettant au lit que son innocente a été déflorée. Je veux faire de cet homme la risée de Paris. Sur un extrait du film Valmont, vous entendiez Miloš Forman, le réalisateur de ce film, à l'émission suisse Spécial Cinéma en 1989. Miloš Forman répondait aux questions de l'animateur Christian Defaille dans l'extrait que vous venez d'entendre. Pour nous parler de ce grand classique de la littérature française que sont les liaisons dangereuses, je reçois Pascal Bastien, qui est professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal. Pascal Bastien, bonjour. Bonjour, Monsieur Beauchamp. Alors, quelle place occupe ce roman de Laclos, Les liaisons dangereuses, Pascal Bastien, dans l'histoire de la littérature? Plus largement, qu'en est-il venu, ce roman-là, à représenter dans l'imaginaire collectif occidental? Bien, le roman est considéré dans la littérature francophone, mais aussi dans une perspective internationale, comme un vrai chef-d'œuvre. On l'a entendu dans les différents extraits qui ont ouvert cette émission. Ça n'a encore jamais cessé et ça ne cessera jamais, je crois, de susciter des commentaires et des analyses. Dans notre imaginaire, c'est vrai que lorsqu'on entend le titre de cette œuvre, on pense à des mots-clés comme séduction, mensonge, trahison. C'est un scénario qui est rejoué où des séducteurs abusent de la naïveté de leurs contemporains jusqu'à ce qu'ils soient trahis eux-mêmes par leur duplicité. Mais j'ajouterais quand même qu'au mensonge, le livre évoque deux maîtres mots, me semble-t-il, la galanterie et le libertinage. La oui. galanterie parce que c'est l'élégance, qualité d'esprit, l'art maîtrisé de la conversation, et puis le libertinage, c'est la liberté sexuelle évidemment, mais la liberté de penser et la liberté, je crois que c'est vraiment le plus important, la liberté de s'affranchir des normes morales qui sont imposées par la société. Oui. Avec la cruauté, en revanche, Dany Laferrière en parlait, mais cette cruauté, ces jeux de l'amour qui peuvent parfois, avec tout le raffinement que vous avez décrit, mais qui peuvent parfois être si cruels. C'est effectivement ce qui non seulement En effet, c'est ce qui traverse le livre, mais c'est aussi ce que va retenir essentiellement la plupart des adaptations cinématographiques, et qui sont nombreuses. On a entendu Miloš Forman, oui. Qui réalise donc une année après le grand succès de Stephen Frears en 88, qui rejoue le roman dans le Paris des années 1770, mais on a toute une série d'autres adaptations cinématographiques qui jouent aussi sur le plaisir cruel de trahir, de mentir, que l'on retrouve donc dans différentes autres interprétations qui vont changer d'époque et changer d'espace. Ouais, mais il y a un côté universel, c'est de l'âme humaine dont on parle, des pulsions humaines, donc on comprend bien que cette œuvre-là est traversée le temps. Parlons de l'homme derrière, Les liaisons dangereuses, Cheverlot de Laclos. C'est en 1782 donc, que sont publiées ces fameuses liaisons. Où en est-il Laclos dans sa vie, dans son parcours aussi, dans son parcours professionnel, au moment où il publie son célèbre roman? Donc, en 82, quand Les liaisons dangereuses paraissent à Paris, l'auteur est inconnu. Hein. Cheverlot de Laclos, finalement, n'existe pas réellement jusqu'à ce que le livre le fasse exister. Donc, Pierre Cheverlot de Laclos est issu d'une famille récemment anoblie, c'est-à-dire que c'est une noblesse administrative, c'est pas une noblesse d'épée, comme on l'appelle, mais c'est la raison pour laquelle la carrière des armes pour ces gens de famille devient un moyen privilégié pour obtenir un prestige. Et c'est donc dans une carrière militaire que Cheverlot de Laclos traverse sa vie, en fait. Mm-hmm. Ce ne sera pas un homme de lettres. Hein. Il aurait écrit quelques textes, dont évidemment ce grand roman, mais ça reste donc un militaire. Un militaire philosophe, comme on en retrouve au cours du 18e siècle. Il lit beaucoup, il écrit quelques textes, je l'évoquais. Il est franc-maçon, il participe aux sociabilités de salon de l'époque, et puis il gravit lentement les échelons des dignités militaires, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine d'artillerie, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est pas un individu qu'on remarque et qui se distingue. Dans les différentes correspondances qui parlent de lui, on reconnaît son intelligence, son affabilité, mais définitivement, on ne peut pas le comparer aux grands esprits comme Voltaire, Linguet et Beaumarchais, qui sont des phénomènes du 18e siècle, des phénomènes de salon et des célébrités des Lumières. Je suis venu ici pour y passer la nuit, alors je ne saurais tolérer que l'on me tourne le flanc. Je suis désolé, j'ai pris d'autres engagements. Oui, oh Seigneur, j'oubliais. Quoi? Danceny ne viendra pas. Pas ce soir. Que voulez-vous dire? Et qu'en savez-vous? Je le sais parce que j'ai fait en sorte qu'il puisse passer la nuit avec Cécile. Comme c'est étrange. Il a mentionné votre invitation, mais j'ai repris ce jeune homme en lui expliquant l'importance du choix. Et je dois dire qu'il n'a pas hésité un seul instant. Il viendra vous voir dès demain pour se justifier et pour vous témoigner. Voyons, ai-je bien retenu? Oui, sa gratitude. Alors, ça nous en dit... ça donne le ton à ce qu'on vient d'entendre. Pascal Bastien, extrait donc des Liaisons dangereuses. C'est Béatrice Picard et Aubert Palacio qu'on entendait lire un extrait des Liaisons dangereuses à l'émission Plus on est de fous, plus on lit en 2012. Qu'est-ce que ça raconte donc que ce roman, que cette correspondance des Liaisons dangereuses? Eh bien, d'une part, dans notre imaginaire, les liaisons dangereuses évoquent tout de suite la sexualité, l'adultère. Alors que les liaisons, dans le langage de l'époque, c'est les relations sociales. Et donc, il s'agit des relations effectivement dangereuses, compliquées, entre les différents personnages qui vont s'écrire des lettres et qui sont réunis dans le roman. Donc, l'histoire, on la connaît un peu. Donc, au départ, un couple, c'est-à-dire un couple de complices, hein, donc le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil, qui ont déjà été amants, mais qui sont restés amis et qui sont surtout restés rivaux. Et donc, la marquise demande à Valmont son aide pour se venger d'un ancien amant qui l'a quitté pour épouser une jeune femme pure, une ingénue, Cécile de Volanges. Donc, la marquise de Merteuil souhaite que Valmont puisse déflorer Cécile de Volanges. Du côté de Valmont, il veut lui aussi se confier, comment dire, un défi. Il veut séduire une femme de bonne vie, l'épouse d'un magistrat, Madame de Tourvel, dont il va devenir progressivement amoureux, bien malgré lui. Et donc, le jeu entre les différents personnages, ce sont des jeux entre Merteuil et Valmont, décidément de rivalité. Et lorsque Merteuil, la marquise de Merteuil, va forcer Valmont à quitter et à rompre sa liaison avec Madame de Tourvel, tout en lui refusant son corps, puisque Madame de Merteuil avait promis de coucher avec Valmont si elle quittait Madame de Tourvel, ce qu'elle va ensuite lui refuser. Oui. Et c'est la guerre qui est déclarée, et avec évidemment des conséquences fâcheuses, voire catastrophiques. Oui, l'extrait qu'on vient d'entendre justement touche à ce passage décisif où cette complicité va se transformer en guerre, enfin guerre fratricide. Pourquoi est-ce que c'est un si grand roman, ce roman-là? D'abord, c'est un roman épistolaire, c'est-à-dire un roman fait de lettres. Hein. Plutôt que d'avoir des chapitres, ce sont des lettres qui sont réunies. Ce n'est évidemment pas le premier roman épistolaire du 18e siècle. Il y a Jean-Jacques Rousseau, il y a Richardson qui ont écrit tous les deux de grands romans épistolaires. Mais ce qui est intéressant, d'une part, c'est que le roman épistolaire, comme les romans mémoires, sont des fictions, mais qui se font passer pour des documents réels. Donc, d'une part, il y a un contact immédiat, si vous voulez, avec le lecteur qui croit, en quelque sorte, au récit qu'il leur est raconté. Et ce qui est extraordinaire avec le roman de Chaudadeau de Laclos, là, j'ai envie de vous dire où il excelle, c'est que, n'ayant pas de narrateur, hein, les lettres agissent, en quelque sorte, comme action. Elles agissent puisqu'elles peuvent peindre la psychologie des personnages, et ce qui est là, apparemment, inégalé, c'est que la polyphonie, donc les différentes voix qui se jouent et qui se battent dans l'ensemble du récit, font en sorte que non seulement le lecteur ne sait pas comment juger les personnages, parce que tous les personnages sont ambigus, et Chaudadeau de Laclos a une telle maîtrise de la langue, une telle maîtrise de la rhétorique, que chacune des lettres a son propre langage, son propre ton. Hein, on ne pourrait même pas les signer qu'on reconnaîtrait, en quelque sorte, la parole de ceux qui la prennent dans ces lettres. Et donc, c'est un roman extraordinaire parce que la langue y est excellente, parce que la complexité psychologique est à son sommet. Et puis, c'est un formidable portrait de société, en tout cas d'une certaine société du temps, ça c'est certain. C'est-à-dire que l'un des enjeux du roman, c'est que c'est une société, donc c'est la fin de l'Ancien Régime, on est à quelques années de la Révolution française, une société qui est bloquée, qui est étouffante, et qui exige, justement, pour pouvoir s'en émanciper, les trahisons et les mensonges. Ouais. On a souvent dit que Laclos sonde dans son œuvre, dans cette œuvre-là, sonde admirablement la psychologie, l'âme féminine. On écoute à ce propos la chroniqueuse Manon Dumais au micro de Marie-Louise Arsenault à l'émission « Plus on est fou, plus on lit » en 2018. Puis on revient sur cet aspect psychologie féminine dans un instant, Pascal Bastien. Oui, ben c'est ça. C'est une femme du 18e siècle. Oui, ben c'est qui a eu la chance, si je peux dire, de devenir veuve assez jeune. À l'époque, c'était une chance. oui, mais en fait, c'est parce qu'elle était mariée vers 15-16 ans, Genois Blanche, et donc elle s'est rendue compte que finalement, c'est un monde dominé par les hommes. Oui. Elle s'est dit, ben je vais étudier ça justement pour m'élever au-dessus des femmes. Et donc pendant des années, elle va jouer un rôle carrément. C'est qu'elle va cacher tous ses sentiments. Et pour elle, la plus grande faiblesse des femmes, c'est l'amour. Donc, elle ne voudra pas tomber amoureuse. Mais évidemment, on ne peut pas toujours maîtriser ses sentiments. Et son talon d'Achille, comme le disait tout à l'heure Nicolas, oui. C'est la douceur, mais c'est surtout son amour pour Valmont qu'elle aime encore jusqu'à la mort. Mais c'est une femme qui n'accepte pas de laisser tomber le masque parce qu'elle a peur que ça la perde. En fait, c'est ça aussi, toute l'histoire autour de la marquise. Il faut qu'elle soit forte à tout prix. Oui, ben c'est ce qu'elle dévoile, la lettre 81, qui est l'une des lettres les plus importantes du roman. C'est carrément une autobiographie. Elle raconte tout à Valmont. Elle va lui parler de ses lectures, parce qu'elle a lu, c'est une intellectuelle, c'est une femme très brillante, elle a lu tous les romans qu'elle pouvait lire, tous les essais, même les moralistes les plus sévères. Donc, elle est au courant de tout. Elle sait manœuvrer dans toutes les sphères de la société. Mais malheureusement, les écrits restent. Donc, c'est tout ce qu'elle a couché sur le papier qui la trahira. Alors, que dire de ce personnage, la marquise de Merteuil, et plus largement de la représentation que Laclos fait des femmes dans ses liaisons dangereuses? Oui, il faut toujours être prudent, me semble-t-il, hein, quand on veut attribuer une dignité de féministe à un personnage ou à un auteur du 18e siècle. Ouais. Même si il est vrai, en revanche, que Chaudadeau de Laclos a publié un an plus tard, donc en 83, un mémoire sur l'éducation des femmes, hein, où il souhaite que l'égalité des sexes se fasse par une égalité des savoirs. Mais en tout cas, ce qui est intéressant pour la marquise de Merteuil, qui est définitivement la personnage la plus diabolique du livre, hein, c'est elle qui est, si j'ose dire, la plus méchante de tout le roman, ce qui en fait un personnage extraordinairement intéressant, voire féministe, c'est qu'elle se conduit comme un homme. Oui. Elle le dit. Elle le revendique, elle venge son sexe parce qu'elle n'accepte pas la prison à laquelle la société a condamné son sexe. Donc, dans ces circonstances, elle est l'égale de Valmont, mais plus brillante sans doute d'elle que lui, pardon, plus brillante que Valmont, plus stratégique que Valmont parce que elle est une femme avec tous les cadres et toutes les contraintes que cela suppose. J'ajouterais que son personnage est peut-être encore plus intéressant d'un point de vue féministe que le roman, en dépit du message qu'il veut donner sur la page titre, le roman ne débouche sur aucune véritable morale. Hein. Oui. Aucun personnage n'est innocent, tous les personnages trompent, même au nom de la vertu, hein, et ce qui fait que Merteuil se représente comme quelqu'un qui est émancipé, en dépit des conséquences catastrophiques que cela va susciter. Et c'est elle qui mène le jeu, ça, assez clairement. Valmont est... Bon, volontairement, mais d'une certaine façon à son service. Absolument. C'est-à-dire qu'il essaie à chaque fois. C'est un jeu de rivalité. Donc, il essaie évidemment d'y avoir son compte. À partir du moment où Merteuil voit que Valmont lui échappe, parce qu'il tombe lentement amoureux de Madame de Tourvel, mais c'est là où, effectivement, la guerre, parce que le mot apparaît dans une lettre, la guerre est déclarée. Ouais. Comment il est accueilli, ce roman de Laclos, au moment de sa publication en 1782? Donc, le roman paraît au printemps, en mars, et puis, comme à l'habitude, on prévoit une édition d'à peu près 2000 exemplaires, mais on n'avait jamais imaginé qu'en moins d'une semaine, ces 2000 exemplaires soient vendus. Donc, le succès est absolument immédiat. Le scandale est évidemment dénoncé, même s'il a échappé à la censure. Hein, il se présente comme un roman moral, donc a priori, il a échappé à la censure, mais tous les lecteurs dénoncent évidemment les stratégies de libertinage qui sont énoncés. Mais, bien entendu, si on dénonce le scandale, c'est évidemment aussi ce qui va déclencher un appétit pour découvrir le livre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il embête tous les commentateurs, même les plus conservateurs. Hein. Le livre est immoral, mais tous reconnaissent une œuvre littéraire de génie. Hein. Même ceux qui détestent le livre pour être scandaleux disent qu'il est justement dangereux parce qu'il est habile, il est extraordinairement bien construit, que c'est déjà un chef-d'œuvre littéraire. Oui. Œuvre littéraire de génie, chef-d'œuvre littéraire, c'est pas rien à ce que vous nous dites, Pascal Bastien. Et pourtant, Énigme, ce sera, pour ainsi dire, la seule œuvre véritable de Choderlos de Laclos. C'est l'auteur d'une seule œuvre, au fond, même s'il écrit autre chose. Comment expliquer que l'auteur de ce roman si génial n'ait à peu près rien écrit d'autre, rien de valable en tout cas? Effectivement, il a un peu écrit, mais rien qui puisse se comparer aux Liaisons dangereuses. Il a écrit quelques petits vers, il a écrit un livret d'opéra pour un opéra qui n'a joué qu'une seule fois. J'ai évoqué tantôt un essai sur la condition des femmes, et puis il a, au début des années 90, rédigé un mémoire sur la guerre et la paix. Bref, toute une série de petits textes qui circulent et qui, peu d'aristocrates au 18e siècle n'écrivent pas, il faut bien le dire, mais rien qui ne puisse se comparer aux Liaisons dangereuses. Alors, comment expliquer, c'est difficile à dire. Hein. Certains ont voulu voir dans cette apax, hein, cette espèce d'étrangeté, ont voulu voir que c'était pas lui qui avait écrit le roman. Je crois qu'aujourd'hui, tous peuvent confirmer que c'est bel et bien lui, puisque dans sa correspondance, hein, dès 79, il y travaille. Donc, c'est un roman sur lequel il a beaucoup travaillé, et il n'y a plus aucun doute, hein, sur le fait qu'on peut lui attribuer. Mais, si vous voulez, en quelque sorte, c'est l'auteur d'une seule œuvre, comme Mary Shelley avec Frankenstein, ou Harper Lee, ou J.D. Salinger. Ce sont des gens dont on se désole qu'ils n'aient écrit qu'un seul livre, mais effectivement, nous n'avons pas encore trouvé, qui sait, hein, mais nous n'avons pas encore trouvé d'œuvre qui puisse se comparer avec ces Liaisons dangereuses. Ouais. Et qu'est-ce qu'il devient, notre ami Laclos, à la suite de la publication des Liaisons dangereuses? Ben, Laclos, d'abord, ses personnages étaient ambigus, hein, je l'ai rappelé, mais il est lui-même tout autant. Jean-Paul Berthaud, qui est son biographe, l'appelait l'homme labyrinthe, hein, parce qu'il est un peu contradictoire lui-même. C'est-à-dire que, d'une part, ça n'a jamais été un acteur de premier plan d'un point de vue politique. Il joue un rôle de technicien militaire, je l'ai évoqué, sous la Révolution et sous le Consulat. Il va s'attacher au duc d'Orléans, le cousin du roi, le duc d'Orléans va passer par la guillotine au début de la République, mais il devient, donc il a été attaché au duc d'Orléans, il devient par ailleurs révolutionnaire lui-même, Jodrell de Laclos, il devient membre de la Société des Amis de la Constitution, il est journaliste, jacobin, mais contre les revendications des sans-culottes, jacobin, mais contre l'abolition de l'esclavage, que Robespierre et la Convention font adopter en 94, et puis il va être emprisonné sous la Terreur, va en sortir vivant, va croiser Bonaparte et va devenir commandant de l'artillerie de l'armée italienne à Naples. Et puis, il va mourir de la dysenterie en Italie en 1803. Donc, un parcours ordinaire, en quelque sorte, oui. Où à chaque fois, il a cherché à exister un petit peu par l'écrit, mais essentiellement, c'est la carrière militaire qui l'a accompagné jusqu'à la fin de ses jours. J'ajouterai, par ailleurs, que ambigu aussi, parce que c'est ce qu'on appelle aussi un anti-Valmont. Hein. C'est quelqu'un qui va épouser en 86 une jeune bourgeoise sans fortune parce qu'il en est amoureux. Il lui a fait un enfant 2 ans plus tôt, qu'il va reconnaître, et il sera, semble-t-il, bon père, bon citoyen, bon mari, tout le contraire de Valmont. Fidèle jusqu'au bout, tout le contraire de ses personnages. Ouais. Terminons cette émission en revenant à ses personnages et à son œuvre, Les Liaisons dangereuses, au motif peut-être aussi qui pousse Laclos à écrire cette œuvre. Est-ce qu'il y a chez lui, Pascal Bastien, quelques volontés philosophiques ou moralisatrices que ce soit quand il décide d'écrire Les Liaisons dangereuses? Là encore, c'est difficile de lui attribuer un certain nombre d'intentions. Il présente l'ouvrage comme un ouvrage de morale, hein, comme c'est assez fréquent depuis le 16e siècle. Hein, on décrit le mal pour nous inviter au bien. Mm-hmm. Mais ce qui est surtout visible, semble-t-il, c'est que ce qu'il raconte, c'est l'impasse d'une époque qui est amorale, d'un ancien régime qui empêche toute forme d'émancipation, dont celle des femmes. Et la force du roman, et peut-être l'ambition politique de Laclos, c'est de souhaiter, en quelque sorte, l'explosion d'une société pour permettre aux émancipations d'échapper aux mensonges jusqu'alors nécessaires. S'il y avait une morale à tirer de ce livre, c'est bien celle-là, je pense. Pascal Bastien, professeur au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal, c'était un bonheur de vous entendre nous parler des Liaisons dangereuses. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.